Depuis petit Rikiki, je suis Kivache, Kiri, Lokiri, Omilini. Depuis je vis aussi perdu, Dikidi, suis, samedi, suis. La vie brille dans la nuit où tout le monde écrit. Vache qui rit, applaudi, mardi, et puis la pluie s'ensuit. La suite, une logique inerte, et puis suit, ça suit, tu veux une suite, joue au Yams. Voici les Yams qui ne s'ensuit, petit bonhomme, monsieur Yams, dit à Yams. Donne-moi une suite royale. 1, 2, 3, 4, 7, 6, suite, dans, suite, la suite, vérifie. Faites vérification, 6 étoiles mages, je nage à pieds nus, je vois ma voix où j'entreprends une fois dans la paroi des croix, Lucifer, Lucifer, vole et donne ma proie. Jouer et inné dans les clubs, petit trou bien foutu, c'est paru sur un yak new, sophistiqué, dans mon dico de parfumier. Les parfumiers sont fumés. Je coupe une barrette au détail. Je donne des détails en détail. La mafia formant une union libre pour du progrès en livre stupide. Sont les stupes. Où est E.O. et Gifle Delta? Pack, cap, hop et hop, le hip hop. Je nage dans la cyprine, je supprime mon temps absent. J'entends qui est le hop là. Je ne peux plus compter d'étoiles sur le drapeau de l'union. Vice et versa, fait ma BCB. Du 1 au psybio pour une OCB. Je suis absent, je t'envoie mon drone qui est ombre. Je me transforme pas le son, passons sur un stéré. Mon gré est de me manifester. L'union est au bon coin, j'affirme, Transformers qui roule. Première puissance mondiale, l'art aussi j'apporte, je récolte. Bien ou Aladdin, je renégocie sur facture et j'appuie l'accélération. Je contrôle assistance écrite, l'arbitre. Je game, je joue les jeux sur un dit trou pignouf, je le trouve. Je prends un jeu où toute la nouvelle Terre 2.1 est là. Je me présente, je suis en 2048. Peggy 17, Peggy toute la vie. J'entends bien, bien reçu, pas déçu. Je reçu petit jus de coco. Je la coupe, j'ai de la 07 sur le marché. Je la vends en Coca-Cola, bien vu chez nous. C'est la mafia qui a coupé le jus. Fais cela, le sida et puis la récolte sur récolte. J'ai récolté avec P2O d'Afrique sur le compteur 90 kilos dans le coffre numéro E, bon cru. Peggy toujours là, 4G est là sur le répertoire. Je montre carte Warcraft 5, j'ambiance découverte sur réussite. La suite, l'équinoxe s'appose la nuit, tous les chats ont peur en voiture. La bouffe s'emprise, se sacrifie sur la mise. Les animaux sont encore bien là. Cryptos de Terminator sont hors circuit. Je donne la pointe pour payer. Le vœu des vœux me validera. Tout là-haut dans les temps plus vieux. Concessionnaire holographique. On pousse les voitures du monde chez les feux verts. Brouilleur, fire, sismique, détection, détection. 5% de caféine, je roule à chaque jour. Les billes nous concernent de 1 à 10. On est dedans, au-dessus des branches. La différence, situation, bon. Les étages se font et se défont. Dans le système 10, rien n'est plus fort que sa propre peur.